Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde est bien installé? Tout va bien? Donc, on va commencer maintenant. Donc, au nom du collectif d'organisation des Cafés Géo, je vous remercie d'être venus encore une fois nombreux ce soir. Je remercie également bien sûr les intervenants d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour commencer, je vais rappeler quelques petits points sur les Cafés Géo. Alors, c'est des choses que certains, que les initiés connaîtront et que d'autres vont apprendre ce soir. Les Cafés Géo sont organisés par un collectif de trois associations. Tout d'abord, l'UPT, l'Université Populaire de Tours, qui est une association d'éducation populaire qui propose des cycles de conférences gratuites et accessibles à tous sur des thématiques larges et qui se veulent d'actualité en général. L'association Confluence, qui est l'association des géographes, des étudiants en géographie de l'Université de Tours. Et puis, à ce noyau dur d'associations est venue se greffer l'association Espace, qui est l'association des doctorants en sciences humaines et sociales de l'Université de Tours. Alors, ce collectif bénéficie aussi du soutien de Créville, qui est créville.org, le centre de ressources électroniques sur les villes et les études urbaines, qui nous permet notamment de mettre en ligne les enregistrements sonores, donc nous sommes enregistrés ce soir, sur le site de l'UPT et sur le site de créville.org. Un petit rappel très rapide du principe des Cafés Géo. Donc, ce sont des moments qui se veulent être des moments de débat, de discussion. Pour lancer le débat, nous avons trois intervenants ce soir. Donc, nous avons des intervenants diversifiés qui viennent d'univers différents, des chercheurs, des acteurs associatifs, des acteurs politiques, économiques, qui sont invités à présenter, à poser les enjeux du débat que nous allons ensuite avoir. Ils auront 30 minutes pour poser les enjeux d'un débat, donc ce sera assez rapide. Mais le principe des Cafés Géo, c'est de laisser un peu plus de temps au débat avec l'ensemble des participants. Donc je vais rapidement vous présenter le sujet de ce soir. Ce soir, on va aborder une thématique à la mode, comme vous avez pu le lire dans le programme, qui est celle de la démocratie participative. Alors, en effet, la participation est devenue, depuis quelques décennies, on va dire un passage obligatoire de l'action publique. Il y a un réel impératif de faire participer les habitants, les citoyens, à l'élaboration des politiques publiques, et notamment en matière d'aménagement de l'espace, en matière d'urbanisme, puisque c'est dans ce domaine qu'on va se situer ce soir. Alors, faire participer les citoyens, faire participer les habitants d'un quartier, d'une ville, d'un territoire, à quoi ça sert ou à qui ça sert? Donc, c'est la question à laquelle vont tenter de répondre ce soir nos différents intervenants avec les différentes approches qu'ils vont avoir de la question. Alors, on a la chance d'avoir un panel d'intervenants assez diversifié, venant d'horizons différents, et finalement assez représentatif de la diversité des acteurs qu'on peut retrouver lorsqu'on s'intéresse un peu à ces dispositifs de démocratie participative. Donc, leurs perspectives vont être différentes, mais je l'espère complémentaires pour comprendre les enjeux de cette thématique. Donc, Héloïse Ney, bonsoir, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Tours, maître de conférence, et je l'ai dit, membre du laboratoire CITER, Cité, Territoire, Environnement et Société. Et vous allez nous parler notamment de vos recherches effectuées sur des dispositifs de participation dans des projets d'urbanisme. Et notamment, vous allez nous parler de la notion de savoir citoyen, donc ces savoirs qui sont sollicités, mobilisés dans la mise en place de ces processus. Francis Gérard, vous êtes premier adjoint au maire de Jouy-les-Tours. Vous êtes chargé de la vie associative et de la citoyenneté, et vous allez nous parler de ce qu'expérimente votre municipalité dans le domaine de la participation. Nicolas Simaric, vous êtes artiste contemporain. Vos œuvres se veulent participatives, collectives, c'est-à-dire que les habitants des quartiers que vous investissez sont les co-auteurs de vos œuvres. Vous développez notamment depuis 2010 à Tours un projet artistique au sein du quartier du Sanitas où nous nous trouvons actuellement, qui s'appelait dans un premier volet Sanitas en objet, et qui s'appelle, dans un second volet, Sanitas en objet de ville. Donc vous développez ce projet artistique avec les associations et avec les habitants du quartier, et vous allez nous en parler ce soir. Alors, je vous laisse la parole à tous les trois, en commençant par Héloïse Ney. Vous avez, je vous le rappelle, 10 minutes chacun pour votre intervention, et ensuite nous ouvrirons le débat à l'ensemble de la salle. Alors, je vous demanderai de ne pas trop dépasser ce délai pour respecter le temps de débat avec la salle. J'invite les membres du public à préparer vos questions, vos remarques, vos réactions pendant les interventions. Et ensuite, nous aurons jusqu'à 22h30 pour continuer ce débat autour d'un café. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier l'équipe du Café Géo pour m'avoir invité et pour cette initiative. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en fait quelques pistes de réflexion issues de recherches que j'ai menées. Donc cette question des savoirs citoyens dans l'urbanisme participatif. C'est un angle d'analyse, d'aborder la démocratie participative dans l'urbanisme à partir des savoirs citoyens, qui présente un double intérêt par rapport aux questions de ce soir, qui est à la fois de définir l'apport des citoyens dans l'action publique locale, en particulier dans les politiques urbaines, donc de répondre ou d'apporter des éléments à la question à quoi sert la démocratie participative, et aussi de saisir les asymétries de savoir et de pouvoir parmi les acteurs qui s'impliquent dans ces démarches, donc d'apporter des éléments de réponse à la question à qui sert la démocratie participative. Donc c'est les deux points que je vais aborder, sachant que sur le premier, en fait, l'intérêt de définir différents types de savoir citoyen permet d'apporter des contre-arguments aux conceptions élitistes de la démocratie, c'est-à-dire des conceptions alors qui sont très répandues, hein, autant dans la théorie politique que dans la société, selon lesquelles en fait les citoyens seraient incompétents pour intervenir sur la politique, sur des questions qui dépassent leur intérêt immédiat. Et en réaction à cette thèse très, très répandue, la notion de savoir citoyen est de plus en plus utilisée par les acteurs qui mettent en place des démarches participatives pour justifier leur création, et par les chercheurs aussi qui les analysent. Vous avez souvent entendu parler, probablement, de savoir ordinaire, d'expertise citoyenne, de savoir d'usage. Ces expressions qui sont assez répandues, mais souvent sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on met derrière. Donc il y a un premier enjeu qui est un enjeu de clarifier ce qu'on entend par savoir citoyen. Donc c'est pourquoi j'ai cherché à essayer d'élaborer ce qu'on appelle une typologie, essayer de définir différents types de savoir citoyen dans l'urbanisme participatif, en m'appuyant alors sur des travaux qui avaient déjà été menés sur la question, mais dans une perspective plutôt théorique et assez générale sur la démocratie participative. Je pense notamment aux travaux d'Yves Saint-Omer, et aussi sur des observations que j'ai faites. Donc j'ai observé pendant 3 ans plusieurs dispositifs d'urbanisme participatif à Paris et à Cordoue en Espagne. Donc des conseils de quartier, des budgets participatifs sur des questions de voirie ou des aménagements urbains de proximité, et aussi une concertation sur un grand projet urbain à Paris et Gauche. Alors, pour donner quelques résultats de ces travaux sur la qualification des savoirs citoyens, il me semble qu'on peut repérer en fait 3 principaux types de savoirs que les citoyens peuvent mobiliser sur ces questions d'urbanisme, qui sont des savoirs d'usage, des savoirs professionnels et des savoirs militants. Et on peut également distinguer des savoirs individuels et des savoirs collectifs. Sachant que les collectifs, alors soit qui sont déjà organisés, par exemple des associations, soit qui se constituent dans les dispositifs participatifs, comme un conseil de quartier, peuvent effectuer une première synthèse ou une mise en commun des savoirs individuels de leurs membres, ce qui peut aboutir à des savoirs plus structurés. Alors, pour définir un peu ce que j'entends par ces différents types de savoirs, en fait, les savoirs d'usage, c'est les savoirs qui sont non spécialisés, qui sont fondés sur une pratique du territoire. C'est l'idée hein, que parce que les habitants utilisent l'espace, ils ont une connaissance particulière, hein, une connaissance basée sur l'expérience, sur la proximité, le fait qu'on connaît bien un territoire qu'on va utiliser au quotidien, parfois depuis plusieurs années, donc ça peut constituer une mémoire des lieux. Et donc c'est souvent en fait les savoirs qui sont le plus mobilisés sur les questions d'urbanisme. Alors ils peuvent être mobilisés par des individus qui vont s'appuyer sur leur expérience personnelle ou par des collectifs qui peuvent les formaliser davantage, par exemple en organisant des visites collectives d'un quartier, des diagnostics partagés d'un territoire. Le second type de savoir, les savoirs professionnels, sont là des savoirs qui sont plus spécialisés, plus techniques, qui se réfèrent à des formes d'expertise. Ils vont être mobilisés sur les questions d'urbanisme au niveau individuel par des citoyens qui ont acquis des compétences techniques par leur expérience, dans leur expérience professionnelle, et qui peuvent les reconvertir comme habitants dans la discussion politique. Donc là, c'est typiquement le cas, par exemple, d'un architecte ou d'un urbaniste qui va intervenir sur un projet urbain dans son quartier, mais en connaissant le langage, les outils techniques de l'urbanisme. Et au niveau collectif, il y a des associations qui peuvent constituer une expertise collective sur l'urbanisme. Alors, en mettant en commun l'ensemble des savoirs individuels de ses membres, en faisant aussi parfois appel à des expertises extérieures, voire à une délégation de certaines tâches par les pouvoirs publics qui peuvent les amener à se constituer une expertise. Et finalement, les savoirs militants se réfèrent en fait au fait d'être inscrits dans des réseaux d'acteurs et à des savoirs et savoir-faire qui sont proprement politiques. Donc exemple de savoir, le savoir politique, le fait de bien connaître les rouages de la machine administrative, d'une municipalité, et de savoir-faire, le fait de savoir animer une réunion ou de prendre la parole en public. Donc là, à nouveau, c'est des savoirs que les individus peuvent mobiliser, soit parce qu'ils ont une expérience militante préalable, soit parce qu'ils vont les acquérir en participant. Et les collectifs peuvent aussi mobiliser des savoirs militants, déjà en mettant ensemble tous les réseaux dans lesquels les membres sont inscrits, et en développant des savoirs particuliers, par exemple, sur la méthode même de participation. Donc, bien sûr, hein, ça, c'est bon, des catégories hein, d'analyse que les chercheurs peuvent élaborer pour essayer de, bah, de se repérer un petit peu dans la réalité, mais qui simplifient, bien sûr, hein, ce qu'on peut observer. Et, en fait, souvent, les citoyens vont mobiliser ces trois types de savoirs, vont avoir plusieurs casquettes en fonction notamment de la situation, du moment, et mobiliser celui qui sera le plus intéressant pour eux. Et donc on observe à ce niveau-là des inégalités parmi les habitants dans la capacité en fait à pouvoir mobiliser différents types de savoirs et à jongler hein, entre ces différents types de savoirs et de légitimité. Certains vont avoir des savoirs militants, des savoirs professionnels, intellectuels qui vont être très valorisés. Et d'autres vont pouvoir surtout s'appuyer sur leur savoir d'usage et seulement une légitimité d'habitant. Donc on a une première série d'inégalités à ce niveau-là. Alors, cette typologie, elle permet de s'interroger sur les apports de ces savoirs citoyens. Quand ils sont pris en compte hein, dans les projets urbains, on verra qu'ils ne sont pas toujours pris en compte et que tous les savoirs ne sont pas pris en compte de la même manière. Mais on peut repérer différents apports en fonction de chaque type de savoir. Alors le plus évident, hein, c'est la mobilisation d'un savoir d'usage qui permet bah, de réaliser souvent des projets qui vont être plus adaptés aux besoins des usagers. Donc ça, c'est l'impact qui est généralement reconnu hein, à la participation, le fait d'avoir une meilleure efficacité de l'action publique, sachant qu'une limite, hein, toutefois, peut être de devoir en fait essayer de concilier des logiques d'usage qui sont souvent contradictoires, et du coup de privilégier des solutions d'aménagement médiane, c'est-à-dire des solutions qui vont permettre d'aboutir à un consensus dans des réunions publiques, mais qui ne vont vraiment satisfaire pas forcément grand monde. Donc ça, c'est un petit bémol. Les savoirs professionnels, eux, peuvent présenter un autre type d'apport quand ils sont à l'origine de solutions innovantes d'aménagement, ce qui permet de penser une ville moins uniforme. Et c'est ce que j'ai repéré dans mes observations à Paris, notamment à Belleville, où le conseil de quartier propose un aménagement des rues qui est différent de celui que proposent généralement les services techniques. Et là, en fait, l'innovation, le caractère novateur, vient du fait que les savoirs professionnels des citoyens sont issus d'autres milieux que les savoirs professionnels des services techniques, où on repère à Paris une homogénéité très grande dans les modes de recrutement des ingénieurs. Et finalement, les citoyens peuvent faire émerger de nouvelles thématiques en mobilisant des savoirs militants. C'est le cas, par exemple, dans la concertation sur la ZAC Paris-Île-Gauche, où les associations ont demandé la création de groupes de travail sur des thématiques qui ne suscitaient pas l'intérêt de l'aménageur, par exemple, sur la question de l'implantation d'activités autres que tertiaires dans un secteur qui est basé sur l'immobilier de bureaux et qui, petit à petit, ont été intégrés dans le projet. Donc, on voit l'intérêt de reconnaître une pluralité de savoirs citoyens dans le projet urbain, vu que chaque type de savoir permet représente un intérêt qui est différencié. Et pourtant, on ne va pas faire appel de la même manière à tous ces savoirs dans les dispositifs participatifs. On peut distinguer différents modes de mobilisation de ces savoirs citoyens. Certains vont être directement sollicités par les élus dans les dispositifs participatifs. D'autres, au contraire, vont être imposés par les citoyens eux-mêmes, alors que certains savoirs vont rester inaudibles dans ces espaces. Donc les savoirs sollicités sont légitimés, reconnus par les élus pour leur utilité dans le projet urbain. Souvent, ça va être des savoirs d'usage, ce qui peut rejoindre d'ailleurs des mobilisations d'habitants qui cherchent à faire reconnaître leur savoir d'usage. Et donc, dans ce cas-là, on va reconnaître aux citoyens un statut d'usager, d'habitant de leur territoire, et on va reconnaître aussi une légitimité qui est vraiment basée sur une pratique du territoire. Alors, les savoirs revendiqués, eux, ne sont pas sollicités par les pouvoirs publics, mais vont s'imposer sur la table de négociation. Donc là, ça va être beaucoup plus souvent des savoirs professionnels et des savoirs militants, même si on peut trouver aussi des savoirs d'usage. Et les individus et les collectifs vont revendiquer dans ce cas-là un statut d'expert et de citoyen, ainsi qu'une légitimité qui est basée sur une pratique professionnelle et militante. Et donc c'est souvent là que les problèmes commencent, parce que ce sont des savoirs qui vont entrer en concurrence directe avec les savoirs et la légitimité des savoirs des élus et des professionnels. Et finalement, pour attaquer de plein pied la question à qui sert la démocratie participative, il y a certains savoirs qui ne sont pas entendus dans ces dispositifs participatifs du fait de l'absence de certaines catégories de la population au sein de ces dispositifs et ou de l'incapacité des citoyens qui sont présents à se faire entendre. Donc la légitimité de ces savoirs déniés n'est pas reconnue parce que les individus qui en sont porteurs ne trouvent pas leur place au sein de ces instances ou ne s'inscrivent pas dans le bon registre d'argumentation quand ils prennent la parole. Donc par exemple, les savoirs professionnels manuels vont être beaucoup moins reconnus que les savoirs professionnels intellectuels dans les dispositifs participatifs, et c'est aussi le cas des savoirs qui sont portés par les femmes. Ces inégalités dans la reconnaissance des savoirs citoyens recoupent évidemment des logiques sociales. En Europe, c'est très, très généralement les dispositifs participatifs vont reproduire ce qu'on appelle un sens caché, en référence à la logique censitaire, dans le sens où, même s'ils peuvent bien sûr participer, les jeunes, les femmes, les personnes issues de classes populaires et de l'immigration vont être très largement absentes ou sous-représentées dans ces espaces. Et donc le risque, le problème qui est soulevé, en fait, il réside dans une appropriation de la ville par les classes moyennes. On le voit par exemple, j'ai pu le voir dans certains quartiers en cours de gentrification à Paris, où les nouveaux arrivants issus de classes moyennes vont chercher à mobiliser leur savoir militant et professionnel dans les conseils de quartier pour imposer un rapport de force et accélérer la transformation sociale de leur quartier, notamment au niveau, par exemple, de l'évolution des commerces. Et donc, je pense que ça peut être un des points de débat parmi d'autres, en lien avec cette question d'à qui sert la démocratie participative, c'est-à-dire quel est l'impact social de la démocratie participative sur l'aménagement de la ville. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci effectivement à l'équipe des Cafés Géo de m'avoir invité. Donc, je suis premier adjoint à jouer les tours. Je suis aussi, par ailleurs, professeur d'histoire-géographie en lycée, au lycée de jouer les tours, à Jean Monnet, depuis une dizaine d'années. Bon, moi, je vais simplement me contenter de donner l'expérience que l'on vit à jouer les tours depuis 1995, c'est-à-dire l'année où une équipe de gauche a été élue dans cette commune qui fait 36-37 000 habitants. Et donc, élue en 95, nous avons lancé les éléments de la démocratie participative dès 96 par la création de conseils de quartier, 9 au départ, 6 aujourd'hui, depuis le mandat 2008. Il y a également eu de mise en place un conseil des enfants en 2002. Donc, nous avons des enfants d'âge primaire, CM1, CM2, qui sont élus pour 2 ans dans les écoles. Chaque classe de CM1 peut élire un représentant. Ça nous fait 40 enfants, 45 enfants dans ce conseil d'enfants. Et puis, nous avons mis en place en 2003, pour faire suite à ce qu'avait organisé Cotignan-Gan dans le Finistère, un conseil des aînés, qu'on appelle parfois conseil des sages, pour effectivement... Bon, tout ça est fait pour, bien sûr, que les élus ne soient pas les seuls face aux services techniques. On vient de l'évoquer tout à l'heure. En effet, bon, dans une collectivité, bon, c'est très complexe, il y a des services extrêmement différents, il y a des services techniques qui ont la connaissance technique et qui avaient à l'époque beaucoup de mal à dialoguer avec les citoyens dans les aménagements. Construire une école, construire une cantine, construire un équipement quel qu'il soit. L'idée que ces gens qui avaient une compétence technique, qui avaient fait des études, pouvaient recueillir des avis pertinents auprès des citoyens leur semblait totalement étrangère. Et bon, il a fallu faire avancer cette idée que des simples citoyens, des gens qui avaient envie de s'engager dans un conseil de quartier, dans un conseil d'aînés, pouvaient avoir des idées, pouvaient avoir des points de vue, pouvaient exprimer des choses qui avaient un sens pour justement se faire entendre. Alors, les conseils de quartier, je vais donner quelques exemples de leurs préoccupations. À l'origine, au début, dans pratiquement tous les quartiers, les revendications de la population, ça a été des problèmes de circulation. On est dans l'urbanisme, des problèmes de vitesse, des problèmes de ralentisseurs. Et là, les gens se sont rendus compte que ça commençait à devenir complexe. Parce que les gens, ils veulent bien faire des aménagements pour ralentir la vitesse. Ils veulent bien qu'il y ait des arrêts de bus, mais jamais forcément devant chez eux. Donc, ça a permis aux citoyens de se rendre compte que sur un sujet apparemment banal, il pouvait y avoir des conflits pour trouver le positionnement d'un ralentisseur, où on met un banc, où on met un jeu, parce que c'est bien un jeu pour les enfants, mais ils font du bruit. Et donc, au bout d'un certain temps, on demande à déplacer le jeu. Donc, il y a toutes ces choses-là qui ont fait prendre conscience aux habitants que prendre des décisions, ça a toujours un aspect positif et quelques aspects négatifs. Bon, aujourd'hui, on est sorti de cette première étape où on n'était que dans l'aménagement routier, que dans le ralentissement. Il y a aussi des problèmes de sécurité, de voisinage, mais il y a également bon, des aménagements plus ludiques pour les enfants. Il y a aujourd'hui dans la logique de développement durable, des aménagements qui concernent les voies cyclables, les garages à vélo, bon, des choses comme ça. Bon, des choses qui concernent le quartier, essentiellement. Mais là encore, on a 6 conseils de quartier sur une ville donc, de 37 000 habitants. Les quartiers sont différents. Et bon, c'est vrai qu'on a plutôt des participants qui sont classe moyenne au sens très large, et plutôt des gens relativement âgés, parce que les autres, ils ont d'autres préoccupations, soit ils ont trop de travail, soit ils n'en ont pas. Et c'est vrai que bon, la démocratie participative ne concerne pas forcément tout le monde. Ça concerne des gens qui ont peut-être eu des habitudes collectives, soit dans des associations, voire des partis, qui ont des pratiques, dont les parents d'élèves, par exemple. Mais il y a une certaine catégorie de population qu'on ne voit pas dans la vie publique, qu'on ne voit pas dans les associations, qu'on ne voit pas non plus dans les conseils de quartier, parce que ça ne revient pas spontanément, que leur point de vue peut avoir un intérêt. Malgré tout, on a travaillé sur le quartier de la Rabière, qui est un quartier d'habitat populaire. Aujourd'hui, on a un président de conseil de quartier qui a su créer un dynamisme. Il a mis en place des conférences citoyennes et on a quand même une participation nettement plus importante qu'à l'origine. Parce qu'il a fait jouer ses réseaux, il a fait venir des personnes différentes et des personnes en difficulté sociale peuvent très bien aussi venir lorsqu'on sait les accueillir, les écouter, prendre en compte leur point de vue dans des aménagements, quels qu'ils soient, sur un quartier. Donc voilà un petit peu pour les conseils de quartier. Le conseil des aînés a réfléchi sur plusieurs champs. Au départ, ce qui les a beaucoup occupés, ça a été la mise en place de séances de cinéma sur Jouer les Tours. Nous sommes une commune de 36 000 habitants. Il y avait un cinéma dans cette ville il y a maintenant 30 ans. Il n'y en a plus. Ça paraît complètement aberrant. Mais quand on y réfléchit un peu, on est immédiatement périphérique de Tours. Les Jocondiens viennent à Tours au cinéma, partout, aussi bien certains studios au CGR et ailleurs. Mais malgré tout, il y a toujours eu l'idée chez certains d'implanter de force un cinéma. Mais bien sûr, aucun groupe économique ne souhaite y venir. Donc les aînés ont réfléchi à un cinéma associatif avec Cinéoff. Et ils ont pris en charge cette séance mensuelle de cinéma. Ça les a énormément motivés. On a eu aussi des travaux, c'est encore en cours, sur les déplacements. Ils ont voulu répondre aux demandes qui nous venaient à nous. Mais bon, on a quand même une population qui vieillit, il y a des personnes isolées, et donc les problèmes de déplacement se posent. Le bus, il n'est pas forcément situé au bon endroit, les arrêts ne sont pas tout à fait comme il faudrait, donc ils ont fait des travaux à plusieurs reprises pour mettre des bus en circulation. Ça a été complexe, ça n'a pas toujours marché. Bon, là, ils sont en train de réfléchir sur un mode de transport à la demande pour des personnes plus ciblées, des personnes qui sont âgées, qui sont malades et qui ne peuvent pas trouver d'autres solutions. Ils ont également, ils sont en train de faire des travaux de recherche aussi sur le logement des personnes âgées. Et donc, ils enquêtent, ils réfléchissent, ils vont voir ailleurs, ils regardent un petit peu ce qui se fait, ce qu'il y a sur Jouer, ce qu'il y a sur l'agglomération, ce qu'il y a ailleurs, pour essayer d'apporter des choses innovantes, des solutions, bon, avec des personnes. Bon, vous le savez, la démographie étant ce qu'elle est, dans leur espérance de vie augmentant, bon, il faut bien traiter cette question-là, en n'oubliant jamais que 90% des personnes vivent chez elles tranquillement et n'ont pas forcément recours ou besoin d'avoir affaire à d'autres choses. Donc, ils ont travaillé là-dessus et bon, ils se rendent compte de la complexité des solutions parce que même entre eux, ils ont du mal à trouver un consensus pour faire des propositions. Donc, une fois qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont bâti un projet, ils nous le livrent aux élus et à nous ensuite de l'utiliser partiellement, en totalité ou pas du tout. Et c'est là effectivement que les problèmes peuvent commencer, parce que la démocratie participative, bon, qu'on appelle comme ça depuis qu'une candidate au présidentiel a beaucoup employé ce vocable, C'est quelque chose qui existe depuis plus de 60 ans dans ce pays. Et on a appelé ça souvent la démocratie locale, la démocratie de proximité. Eh bien, ce n'est qu'une démocratie, disons, qui ne décide pas, puisque le pouvoir reste aux élus. C'est eux qui engagent les budgets. Bon, on va me dire, dans d'autres pays, on peut donner des délégations. Ça se fait, ça existe. Hein. Pour chez nous, les conseils de quartier ont un budget cette année de 135 000 euros pour faire des petits investissements. Mais c'est ensuite quand même les élus qui sont élus par la population qui sont responsables devant. Donc les conseils de quartier apportent une aide à la décision. Et par rapport au débat de tout à l'heure, on ne cherche pas les experts. Ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel citoyen, quel que soit son âge, sa qualité, sa formation, ses convictions, peut apporter. On ne cherche pas l'expert. On ne cherche surtout pas l'expert. On cherche des gens de, entre guillemets, de bon sens et qui posent des problèmes à résoudre et qui confrontent justement leur point de vue à ceux des techniciens, des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs des routes qui ont des solutions, qui ont des logiques qu'il faut pouvoir parfois contrebalancer par les demandes citoyennes. Alors bien évidemment, le citoyen n'a pas toujours raison, pas plus que l'ingénieur. Et parfois, il y a des demandes qui sont contraires aux règles en vigueur et qu'on ne peut pas forcément utiliser. Donc c'est toujours un aller-retour, un feedback entre les élus, les techniciens, les citoyens pour essayer d'avoir des propositions qui tiennent la route. Bon, par ailleurs, on a aussi utiliser les compétences des conseils de quartier et du conseil des aînés sur des concertations particulières. J'ai deux exemples en tête. Le premier, ça concerne un quartier, le quartier des Courelières, à Joué-les-Tours, c'est-à-dire un quartier d'habitat durable, un éco-quartier, sur lequel il y a eu une concertation dès lors qu'un aménageur avait été choisi. Eh bien, il y a eu une phase, après les enquêtes publiques normales, il y a eu une phase de concertation. Lorsque le projet a été un petit peu débrouillé, on a présenté à la population une exposition. Ensuite, il y a eu une concertation forum sous forme de table ronde. Et là, toutes les questions sont venues. Alors, j'en soulève quelques-unes. Bon, bien sûr, dans un éco-quartier, les problèmes, les infrastructures, la circulation, la voiture, le vélo, la marche à pied, comment tout ça peut cohabiter, combien de places de voiture par logement, est-ce qu'on en reste à la norme habituelle ou est-ce qu'on la diminue, parce qu'il y a d'autres habitudes à prendre. Mais comment on sait qu'il y a d'autres habitudes à prendre alors qu'on n'a pas d'expérience d'un quartier d'habitat durable? Donc c'est très complexe. Ensuite, il y a eu toutes les questions énergétiques. Hein, qu'est-ce que c'est que du BBC? Quelle énergie on utilise? Laquelle est la moins polluante? Tout en tenant compte quand même des coûts. Le type de matériaux. Le traitement de l'eau. Bon, toutes les questions possibles et imaginables ont été mises sur la table. Retravailler, certaines prises en compte par les aménageurs, d'autres rejetées en fonction de leur faisabilité ou pas. Donc une participation assez large sur une table ronde qui avait duré 2 heures à peu près, avec des thèmes par table et donc possibilité de participer dans la soirée à plusieurs thèmes. Bon. Hier soir, il y avait également un forum sur l'agenda 21. Donc l'agenda 21, il y a eu une phase de travail avec les citoyens qui avait été choisie. Ensuite, il y avait une phase avec le personnel municipal qui était bien sûr interrogé et intéressé par les thématiques de l'agenda 21. Il y a eu un premier travail. Ensuite, un cabinet a fait une petite synthèse. Et hier, il y avait un débat sur les 10 enjeux qui avaient été retenus. Donc je peux vous donner quelques thématiques qui ont été débattues. Donc il faut que je m'arrête dans 2 minutes. Donc les 10 enjeux qui ont été débattus hier par 5 tables rondes, dont 2 enjeux par table pendant environ 1h30, avec un compte-rendu qui devait durer 5 minutes par table, donc ça devait être bouclé en 25 minutes, ça a duré une bonne heure et demie. Ça a suscité des échanges entre les thématiques. Donc ces 10 enjeux étaient le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture, donc sur une ville de la périphérie, même si elle est traversée par le tramway dans quelques mois. Ensuite, quelle conception urbaine qui permet d'offrir un habitat de qualité accessible au plus grand nombre, donc la quadrature du cercle. Ensuite, le maintien de la et le renforcement, si possible, de la cohésion sociale et des solidarités. Vous aviez des thèmes aussi sur le développement du territoire qui limite l'impact sur le changement climatique, donc quel type d'énergie, quel type de consommation, comment on se déplace. Le développement des activités économiques de proximité, comme l'agriculture de proximité. Le développement, bien sûr, aussi de la citoyenneté active et responsable. Donc ça reboucle avec notre préoccupation démocratie participative, c'est-à-dire comment les citoyens arrivent à s'investir sur des sujets divers, sur le long terme, pour que la pratique et surtout leur point de vue soient mieux pris en compte. Il y avait également un thème sur la mise en valeur de l'animation locale. Bon, donc, des personnes étaient là, bon, des conseils de quartier. On avait invité aussi les présidents d'associations, et puis c'était ouvert, puisqu'on avait mis ça sur notre site. Alors bon, on pouvait s'attendre à avoir une foule importante, bon, on était une grosse cinquantaine, bon, ça peut paraître peu, mais malheureusement, c'est la réalité aussi de beaucoup de communes. Les concitoyens, bon, ne s'intéressent pas tant qu'on le souhaiterait à la construction de leur avenir. C'est un constat. On essaie d'y travailler, mais c'est complexe. Bon, il y a aussi le travail, les activités et tout ce qui en suit. Donc, on a quand même une démocratie participative, effectivement, qui reste limitée. Même si c'est plus large, ça permet de prendre un peu le pouls des choses, mais ça repose, effectivement, quelles que soient les modalités, et dans les autres communes, c'est un peu pareil, sur une minorité quand même relativement limitée. Répondre aux questions tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation du Café Géo pour cette soirée. Donc, je m'appelle Nicolas Simaric, je suis artiste plasticien et je travaille notamment une partie de la semaine à Tours sur un projet artistique spécifique à ce quartier qui est celui du Sanitas. Alors moi je vais vous proposer 2 petites phases. Une phase qui va être plutôt mes réflexions et mes réponses un peu intuitives sur cette thématique à quoi sert la démocratie participative. Et puis une présentation plus pragmatique en fait de ma pratique en lien avec ce thème. Alors, à quoi sert ou à qui sert la démocratie participative? Je réponds assez simplement à tout le monde. Alors, voilà, pour moi aux élus qui missionnent ou délèguent leur rôle un peu de consultation de la population, aux habitants qui profitent d'un cadre plus approfondi d'être consultés et écoutés, aux financeurs qui peuvent justifier aussi de manière qualitative et quantitative de la citoyenneté de ces projets, et aux acteurs de terrain qui peuvent exercer des activités en lien avec la population et créer un lien social transversal. Alors voilà, ça c'est ma réponse un peu rapide et intuitive sur ce thème. Ensuite, je vous propose quelques remarques de fonctionnement que vous pourrez peut-être ensuite constater sur certains cadres de projets que je vais vous présenter. C'est-à-dire, pour moi, un vrai projet participatif demande beaucoup d'énergie, de travail et de moyens. Et c'est vrai que je dirais que les moyens ne sont pas toujours mis à disposition. parce que en termes d'énergie, de travail, il faut des locaux, de la communication, de l'animation, du personnel, des projets, un programme, des compétences, des dossiers, un bilan, de la comptabilité, de la gestion. Voilà, toutes ces choses-là qui créent un gros contexte et souvent on est face à des financements, des partenaires qui financent des actions, mais pas forcément le fonctionnement des projets ou des structures. Ensuite, pour moi, le décalage aussi entre le qualitatif et le quantitatif. Vous verrez, je vais vous présenter deux projets. Un projet très quantitatif où j'ai fait participer 600 personnes en un an et un autre 100 personnes en 3 ans. C'est pas du tout la même chose, mais ça parle différemment de chiffres. Et ensuite, un paragraphe peut-être un peu plus long, mais j'ai envie d'insister là-dessus, c'est que être lié à la population, pour moi, dans un projet qui n'est pas forcément, à mon avis, que lié à l'artistique, c'est dédier 50% de l'activité à autre chose que le but premier fixé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans un projet participatif, de rendre productif les habitants à 100%, parce que ça pourrait s'apparenter à du salariat, plutôt de considérer ces personnes comme des participants qui consacrent du temps libre à une activité qu'on leur propose, qui ne sont pas engagés par un contrat. Donc il n'est pas tout à fait possible d'exiger une sorte de rentabilité, et c'est pour moi la question du dynamisme des programmes et du projet qui permet de fidéliser les habitants et qu'un vrai projet se mette en place. Pour moi, un habitant est aussi une personne qui parle beaucoup de ses préoccupations, et c'est en fait ce qui, je pense, est aussi très intéressant de récolter et de s'en faire une autre mission, de ne pas voir ça comme un handicap, mais comme une force à valoriser dans la cohésion sociale et un projet général de participation citoyenne. L'activité, qu'elle soit artistique ou autre, je pense qu'elle est presque un prétexte à la cohésion sociale. Alors, deuxième point qui détourne un tout petit peu la question à quoi sert la démocratie participative, mais plutôt à quoi elle pourrait servir peut-être aussi vraiment. Je dirais qu'elle devrait être un programme politique de mise en réseau et de mise en place des solutions aux problématiques rencontrées et aux idées soulevées par la population. Voilà un peu ma petite introduction, base de discussion un peu, je ne vais pas dire théorique, de terrain. Donc je vous ai mis 4-5 exemples de projets artistiques que j'ai pu réaliser dans ce contexte-là de démocratie participative, où en fait ça définit différents cadres. Le premier, c'est un programme régional de la région Nord-Pas-de-Calais qui se voit aujourd'hui un peu contaminé toute la France, qui est le CLEA, le contrat local d'éducation artistique, où il est proposé aux artistes de venir faire une mission artistique, pédagogique pour les écoles. Où là, c'est pour moi un travail participatif, puisque c'est c'est très axé sur la transmission et l'action. Il n'y a pas de budget de production. Tout doit se faire par un geste artistique. La notion de geste artistique est très importante et c'est pour ça que la participation, elle est très forte dans ce cadre-là. Donc, j'ai appelé ça démarche directe, demande calibrée. J'ai fait des petites vignettes comme ça, vous relèverez les défauts de plan. L'idée, c'était de transformer avec chaque classe, donc une trentaine de classes, leur classe, leur salle de cours en autre chose. Donc 4 séances, une séance où on réfléchit, tout le monde donne ses idées en quoi on pourrait transformer cette salle. Ensuite, on choisit collectivement, la deuxième séance, quel intitulé de transformation on choisit. En troisième position, on se demande comment on organise les matériaux. Et en quatrième point, on fait l'action de transformer sa classe. Donc là, en lit géant, en jacuzzi. Bon, ce sont principalement des classes de primaire hein, sur ce programme. En carte postale, en bowling. Voilà. Bon, j'ai pas mis les 200 diapos de ce programme, mais c'est vraiment pour vous donner des extraits qui pourront servir à la discussion tout à l'heure. Commande directe démarche libre avec l'Université Bordeaux 3 de travailler sur un groupe de 180 étudiants où j'aurais proposé de tout faire à 180 degrés. De tout faire à l'envers. On a terminé par cette image sur le miroir d'eau à Bordeaux avec en action les étudiants écrire d'une certaine manière ce 180 degrés et de vivre les cours de cette manière. Je pense que ça vous parlera parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. L'idée, c'était que chacun, le premier jour, devait faire 4 choses à l'envers. Et puis, comme ils étaient 180, c'était par groupe de 2, par groupe de 4, par groupe de 6, par groupe de 16, enfin par groupe de 8, par groupe de 16, et ainsi de suite, jusqu'à faire tout ensemble. Voilà. Commande libre, démarche directe. Là, c'est une résidence d'un an et demi au 104 à Paris. Donc, un établissement artistique assez récent qui a vu son inauguration en 2008 dans le 19e arrondissement de Paris, un lieu quand même important de 36 000 m2. Où là, j'ai été invité pour l'inauguration de ce lieu sur un projet participatif pour l'ouverture pendant un an et demi. Le but, donc là, vous voyez ce lieu, deux grandes nefs et deux grands patios. Ça a été de travailler sur le thème de la clé, l'ouverture de ce lieu et aussi la clé, objet privé, objet intime, et d'en faire un objet participatif, c'est-à-dire faire des territoires de clés, des territoires de ces intimités personnelles. Donc l'idée, ça a été de récolter et d'inciter les gens à récolter leurs vieilles clés et d'en faire des dalles de clés à installer dans les trottoirs de Paris. En échange, les personnes recevaient la clé du 104, qui était un accès privilégié à un lieu insolite dans Paris par jour, et à faire partie d'une communauté de détenteurs de cette clé. Donc voilà l'atelier de la clé où on pouvait déposer ses clés. On pouvait éventuellement, pour les gens qui n'étaient pas au courant, faire des doubles d'une clé qu'ils voulaient laisser pour mettre dans ses dalles dans Paris. Et le grand calendrier qu'on voit derrière, qui est le calendrier de l'après, calendrier d'après l'ouverture du 104, où on pouvait trouver les itinéraires des lieux insolites à visiter à Paris. Voilà le résultat d'installer différentes dalles de clés dans les trottoirs parisiens. Chaque personne savait où se trouvait son numéro de clé. On a récolté à peu près... On pouvait choisir si on déposait une clé, soit pour une dalle, soit pour une performance de l'artiste. Donc j'ai effectué des performances avec les clés puisque j'ai récolté 20 000 clés au total en 3 mois. Alors un autre projet qui est là, la démocratie participative individuelle presque, je dirais, c'est de comment faire participer un artiste à l'espace public. Ça a été de réaliser mon dossier artistique comme le journal Métro, édité comme le journal Métro à 30 000 exemplaires et diffusé en un jour. Ça, je tenais à mettre un peu cet exemple-là parce que, d'une certaine manière, je trouve qu'il participait, il mettait en action la population sur un projet artistique. Donc voilà, c'était l'idée qui s'est faite, que j'ai réalisée à Nantes et sur plusieurs points de la ville, des paquets de journaux Boulot, donc, qui était le titre de... qui était vraiment mon dossier artistique et qui est parti sur plusieurs points de la ville, voilà, en une journée, 30 000 exemplaires, lus, jetés, de la même vie qu'un journal Métro. Alors là, le point de départ, c'est une association, un projet redoutable qui est le catalogue de la déroute. Donc ça, c'est un projet participatif où là, donc, il s'agissait de faire participer la population pour être les modèles du catalogue. Modèles au sens naturel, en fait, du terme. Donc, 40 bâches de 5 mètres par 5 mètres sur les immeubles du quartier, un catalogue de 1234 pages. Et donc, voilà, 600 mannequins habillés comme à l'ordinaire, mais simplement reprenant véritablement les poses et ensuite mis en page à la manière de La Redoute. Donc, voilà, là, c'est un projet où la participation, elle est légère dans le sens, elle dure une séance photo de 20 minutes, une demi-heure. Elle se reproduit parfois dans l'année. Et ensuite, le résultat, c'est l'effet d'une accumulation de participants. Voilà, où les prix sont remplacés par les heures de prise de vue. Ça s'est fait à Toulouse. À Toulouse en 2005-2006. On a édité 6000 catalogues et ils ont été vendus en un mois et demi, notamment à la FNAC où on a été meilleure vente 2006. Voilà, bon. Et c'est aussi un projet, alors du coup je peux parler un peu de chiffres, c'est un projet où il y a eu, c'était pas encore la crise, c'est vrai, beaucoup de moyens, de fonds publics et voilà, aussi de montrer qu'un projet très encouragé peut donner des résultats importants, voire imposants. Et une rubrique qu'on a ajoutée, qui est la rubrique des vraies personnes âgées, puisqu'elle n'existe pas dans La Redoute. Voilà, jusque aux jouets des habitants, il y a aussi les intérieurs de maisons, d'appartements. Et là, un autre type de projet qui est logiquement celui de Tours. Voilà, on reconnaît les lieux. Qui dure depuis plus de 3 ans, qui était au départ une demande, une commande du Centre National Chorégraphique de Tours de faire un projet pour ce quartier où j'ai proposé de créer des objets dérivés du quartier avec les habitants. Donc ce projet s'appelle Sanitas en objet. Il s'agissait de créer des objets dérivés du quartier, des objets du quotidien, un sac, un parapluie, un foulard, un dessous de plat. Et puis un an après, la collection démarrait et j'ai voulu poursuivre en fait cette démarche parce que j'ai fait des projets de territoire d'un an, un an et demi. Et je me suis dit, je pars toujours au moment où une partie du territoire est convaincue des projets artistiques, mais la suite va manquer. Et là, je me suis dit, saisissons pour aller dans une nouvelle expérimentation artistique de la suite, c'est-à-dire d'un territoire... où on peut faire fructifier les acquis déjà, puisque comme quand un artiste débarque, il faut toujours l'acclimatation, convaincre, et une fois que les choses sont un peu amorcées, après, j'avais envie d'expérimenter cette action, et voilà les premiers objets, la Sanitas, certains connaissent, c'est une tasse thermique, elle est noire, et quand on met de l'eau chaude, elle fait apparaître les immeubles. Le Sanisac, c'est le sac de la passerelle Fournier entre la gare de Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Le dessous de plat kebab, le sani pluie qui a donné lieu à la sani fontaine, c'est un parapluie au motif ardoise qu'on trouve beaucoup pour rehausser les immeubles de la ville de Tours, du quartier du Sanitas et des environs. On est passé de ces objets du quotidien à l'objet dans l'espace public des objets de ville, puisqu'on nous a proposé les parcs et jardins de la ville de Tours. Nous ont proposé d'aménager, d'aider à l'aménagement et d'apporter notre contribution à l'aménagement d'un jardin qui se trouve à 500 mètres, qui est le jardin Meffre, et d'en faire, avec les habitants, des objets uniques, spécifiques, dont le thème est les oiseaux migrateurs, une manière de parler de migration, mais poétiquement, de ne pas stigmatiser non plus ça, et d'être dans d'autres formes. Là, vous avez une maquette d'un nid, ce qu'on appelle un nid, une sorte d'amphithéâtre à base de rondelles de bois qui est à l'échelle 1/10, c'est-à-dire ça ferait 8 mètres de diamètre. Vous avez un siège qui fait penser à la boîte à œufs. Vous voyez là le module, hein, qui part de choses simples. Oiseau migrateur, le nid, la plume, oiseau, l'œuf, la boîte à œufs, et hop, on en crée un siège. Donc là, vous avez une des images du prototype en avant-première. Des silhouettes d'oiseaux en séquoia, qui qui sont le recyclage du séquoia géant du jardin botanique, puisqu'on en a récupéré 9 mètres de tronc afin de faire des grandes silhouettes d'oiseaux enfoncées dans le sol, donc silhouettes d'oiseaux migrateurs. On prépare aussi une grande action de marquage participatif que je ne dévoilerai pas maintenant parce qu'elle est encore en... Puis il faut vous laisser un peu surprise, je ne peux pas tout dire. Voilà, un petit plan du nid, voilà, ça c'était sympa à mettre. Et puis aussi, justement, dans ce projet-là de territoire, on s'aperçoit que l'expérience de création dans un quartier fait donner envie à des structures, ben, comme les parcs et jardins pour le jardin F, ben là, l'agglomération de Tours pour proposer un projet de fresque à l'intérieur de la pépinière d'entreprise qui se trouve aujourd'hui au Sanitas pour une d'entre elles. Et donc ça a été de créer des fresques un peu filtrées des bâtiments du quartier. Donc, il y a à l'heure actuelle 5 fresques qui ont été réalisées, voilà, dans cette pépinière pour que la pépinière soit déjà, fasse déjà partie des lieux. Notre troisième thème cette année est celui, parfait, merci beaucoup, celui de la cuisine, transition jardin-cuisine, où on est en train de créer des scénographies à cuire, des arbres à cuire, création d'un aliment avec les habitants du quartier, et participation peut-être au projet de la ville de Tours, à la cité de la gastronomie, puisqu'on a aider un peu à la conception de certaines lignes du programme, et on a aussi beaucoup d'idées dans ces directions-là, et aussi dans un programme du ministère de la Culture et de l'Agriculture, plutôt de l'Agriculture, celui-là, sur le recyclage des déchets, sur le gaspillage alimentaire. Voilà, petite forme de l'arbre à cuire, hein, l'arbre qui se transforme en cuisine. Voilà, je crois que c'est fini pour moi. Jusqu'à 22h30, la parole est à vous. Vous pouvez poser des questions à nos trois intervenants. Voilà. Lévine, quand elle fait appel à vous, c'est dans quel but en fait? C'est qui fait appel à vous et pourquoi? Ben alors déjà, il y a des projets que moi auxquels j'ai candidaté. On ne m'a pas forcément appelé parce que je continue toujours d'ailleurs à répondre à des appels d'offres et aussi à répondre à des demandes. Je pense qu'elles perçoivent pour certaines les enjeux artistiques, les enjeux humains, les enjeux sociaux, les enjeux tout ce qui peut être une sorte de typicité de mon travail qui peut allier la convivialité à l'artistique et au social. Voilà, je pense que c'est un peu dans cet esprit-là, en tout cas, que moi je le ressens. Voilà. Pour répondre brièvement. Oui. Pour Toulouse, c'est vous qui les avez sollicités? Pour Toulouse, c'est moi qui les ai sollicités. Oui. Mais après, comme toujours, je modifie un peu les cadres. C'est-à-dire vous que. Vous avez déjà l'idée ou... Oui, l'idée était proposée. Oui, oui. La résidence, c'était 6 mois. La commande, c'était faire 40 bâches dans le quartier. Moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de 6 mois pour faire 40 images. Je préfère en faire 22 000 en un an et demi. Donc, voilà. Après, c'est une question de négociation, ensuite. Mais c'est à chaque décideur, financeur, responsable de structure, de s'engager ou non, et même de remettre en question parfois l'engagement en cours de projet, parce que c'est un projet assez massif, donc il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui ne dépendaient donc pas que de moi aussi. Voilà, donc... voilà. Et donc la vente du catalogue, c'est la FNAC qui les a fait? Non, la FNAC a été un des diffuseurs. En fait, ils en avaient commandé 100 à Toulouse pour voir. Sauf qu'à une heure le matin, les 100 étaient vendus. Donc, ils ont fait une commande nationale de 4000 tout de suite après. Et puis après, on a dit stop parce qu'on avait un réseau de librairies qui devait aussi vivre de ce projet-là et pas n'être que dans du coup, la consommation de masse d'un produit par un seul diffuseur. On avait une autre question. Moi, j'ai une remarque et une autre question. D'abord, par rapport à toutes les expériences qui ont été faites à votre producteur, est-ce qu'il y a des évaluations qui ont été faites de l'efficacité, de la participation des citoyens lambda à la vie politique, lorsque vous disiez qu'ils étaient minoritaires? Mais néanmoins, est-ce que c'est efficace? Et est-ce que, dans ce cas-là, ça génère une évolution de la politique, par exemple, des services techniques et des changements de culture des services techniques, ou bien le changement de culture des élus? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que la démocratie participative, c'est pas une sorte de décor hein, et de justification, ou bien est-ce qu'on le prend vraiment en compte dans la décision? Dans ce cas-là, ça demande des évaluations. Et très souvent en France, on ne fait pas d'évaluation. C'est pour ça que je pose la question. La remarque que j'aurais à faire, c'est par rapport à ce que fait Nicolas Simaric, on se demande si c'est pas une réponse, enfin, on peut se demander si c'est pas une réponse au problème de la participation. Parce qu'on voit qu'à chaque fois, c'est des minorités agies par des convictions militantes, etc., ou bien des usagers et les trois du quartier. Alors que là, on voit que dans ces démarches artistiques, finalement, les habitants deviennent des créateurs de territoire et s'approprient le territoire par des choses belles, quoi. Hein. Moi, je suis un fan des objets du sanitaire, je trouve que c'est génial. Quoi. Et puis, le catalogue, c'est quelque chose qui est en plus d'un tout le monde ici. Hein. Et est-ce que c'est pas une manière de rendre fiers les habitants d'un quartier pour qu'ensuite ils aient envie de participer à son élaboration, justement. Puis là, on a une démarche, justement, d'élaboration. Alors que ce n'est pas un levier à privilégier auprès des hommes politiques pour faire de l'action politique participative. Sur les questions d'évaluation, les procédures que j'ai suivies en France, c'est qu'il y a très peu souvent d'évaluation de la démarche en tant que telle. Après, ce qui ne t'empêche pas de s'interroger sur les transformations des cultures, notamment des cultures techniques, des professionnels, des élus. Moi, c'est en partie ce que j'ai fait dans mes recherches, en voyant est-ce que aussi, donc là, je vous ai présenté la partie savoir citoyen, mais aussi est-ce que ça a un impact sur le savoir professionnel ou pas. Alors, la réponse, en fait, elle est un peu... Enfin, moi, ce que j'ai pu observer, c'est un peu ambivalent. C'est-à-dire que, dans un certain... ça a un impact, dans le sens où... les professionnels sont amenés de toute façon, et les élus de plus en plus, à intégrer l'enjeu de la participation en pratique. Tout simplement parce que même si on ne va pas forcément très loin en fait, dans la participation dans le contexte français, il y a au moins des réunions publiques où il faut présenter les projets, donc, ce qui implique d'adapter un minimum les savoirs, les savoir-faire, les modes de restitution des projets pour susciter le débat. Mais ensuite, ça dépend vraiment d'une expérience à l'autre, ça dépend beaucoup de la bonne volonté des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels, par exemple, sur le budget participatif de la voirie que j'ai pu observer dans le 20e arrondissement, qui ont vraiment joué le jeu et qui ont vraiment été amenés à remettre en cause beaucoup d'éléments de leur culture professionnelle. Après, il y a aussi d'autres professionnels qui vont continuer, par exemple, par les plans, par les cartes, par les images de synthèse, beaucoup, à finalement ne pas provoquer tellement le débat, mais essayer d'imposer un projet, ou en tout cas d'insister sur l'esthétique, plutôt, par exemple, des images de synthèse à Paris, où il y a une polémique sur le fait de faire des tours dans un quartier. On va faire une tour qui est très peu visible, qui paraît toute fine, et donc ça va être ce qui va être mis dans la concertation. Donc, oui, un impact sur la culture professionnelle, mais ça dépend beaucoup de la bonne volonté encore des professionnels et des élus. Est-ce que... Oui, ben, moi je répondrais sur cette question de la fierté. Et je dirais que je distinguerais trois niveaux. Je dirais qu'effectivement, pour le projet La Déroute, je qualifierais plutôt ça de fier d'être ici. Ce serait un premier pas. Après, je dirais qu'il y a vraiment s'approprier. Parce qu'on voit bien que là, dans les images un peu joviales de La Déroute, il y a ce côté fier d'être ici. Mais s'approprier, c'est quand même vraiment autre chose. Et puis, je dirais qu'après, il y a fier de s'approprier. Voilà, je ferai un peu cette distinction de palier que justement moi auquel j'essaie d'arriver dans le travail artistique et dans ce que je veux mettre en place ici. Oui, mais moi en ce qui me concerne, je n'aurai pas de réponse univoque parce que les élus, même dans une équipe, bon, nous il y a 39 élus, il y en a 32 de la majorité, on n'a pas forcément au départ, ni en chemin, les mêmes convictions sur le sujet. Alors c'est vrai qu'il y a une conviction globale malgré tout, c'est aujourd'hui personne, quel que soit le parti, ne nie la nécessité de concerter à minima, d'informer et bien sûr plus loin de demander la participation des habitants. C'est vrai que ça modifie malgré tout la perception des choses, que ce soit par les élus, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de concertation en préalable, il risque d'y avoir après des manifestations, des oppositions. Donc un élu, quel qu'il soit, il cherche un minimum de consensus. Bon, c'est quand même le cas de 95% des élus, d'essayer de rassembler sur un projet plutôt que de diviser. Donc l'intérêt même, c'est de concerter à minima et plus loin, effectivement, demander la participation, l'avis en faisant des séances de travail avec les habitants dans les quartiers. Je pense aussi, mais bon, ça peut différer d'une personne à l'autre, que les services techniques ont dû bouger parce que quand j'étais jeune élu, dire au directeur technique des services à Jouy-les-Tours, il faut que vous demandiez l'avis des parents d'élèves, qu'il faut que vous demandiez l'avis des instits, il ne voulait pas en entendre parler. Et on a fini par lui imposer, et aujourd'hui il est pleinement acquis à cette cause, parce qu'il s'est rendu compte que souvent les gens demandaient des choses tout à fait raisonnables. Il y a des aménagements, il y a des petites choses qui peuvent être faites facilement. C'est pas parce qu'on a un savoir théorique que le parent d'élève, que l'usager d'une association, que l'utilisateur d'un bâtiment municipal, il n'a pas quelques idées. Et bon, il arrive que sur l'espace public, sur la route, sur la rue, ça soit plus compliqué. Avec certains techniciens qui considèrent qu'il y a des règlements, on ne peut pas du tout s'en affranchir, on ne peut pas écouter les personnes. Donc, il faut beaucoup de conviction de la part des élus, c'est sûr, pour faire entendre la voix des uns et des autres, pour que les techniciens écoutent les citoyens, modifient des choses élaborées. Ça avance plus ou moins rapidement, mais ça avance. Alors, l'évaluation, c'est vrai que vous le disiez, bon, l'évaluation, on l'estime qu'elle est faite par le résultat des élections, mais c'est vrai que c'est pas satisfaisant, j'en conviens. On n'a pas d'évaluation scientifique. Sur l'évaluation, CITER en 2008, Hélène Berthelot. CITER, c'est un des groupes ici. Une démocratie participative entre gestion urbaine et citoyenneté. Donc ça fait pas mal de pages. Et le bilan, il rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur. sur le fait qu'en fait, il y avait peu de participants et plutôt une moyenne d'âge âgé. Et dans cette étude-là, de CITER, c'est un peu le bilan aussi qui est fait, mais par contre, il y a plein d'interviews de participants, et dans la partie des gens qui sont en activité, on va dire 40-50 ans, qui ont un peu envie de s'intéresser à la citoyenneté, en fait, il leur manquait le côté du pouvoir, en fait, qui, du coup, le bilan, c'est plutôt, bah, ça sert à rien, de toute façon, on nous file 5 balles pour poser un bus, et donc on n'y revient plus. Et les personnes, là, je fais un résumé dans le vocabulaire de l'étude. Et les personnes par contre âgées, dans ceux qui sont interviewés, disaient plutôt, bah ouais, mais je sais bien que ça ne sert pas à grand chose, mais si je peux mettre mon tout petit gravier, et ben, j'en serais fier, et puis voilà, ça sera pas mal. Du coup, il faut peut-être chercher entre l'artiste et les schémas traditionnels à expérimenter sur les moyens de participer les gens. Et il y a pas mal d'initiatives sans mettre forcément des budgets, ou ben, voilà, oui. Il y a un élément aussi bon, que je peux donner, c'est-à-dire que je vous ai parlé de la concertation avec le groupe Bouygues, puisque c'est lui qui réalise le quartier d'habitat durable, qui a commencé il y a 3 ans. On arrive à une phase maintenant, on va bientôt commencer à rentrer dans l'opérationnel. il y aura à nouveau une phase de concertation pour rendre compte effectivement de l'évolution des dossiers. Et là, on verra effectivement, on aura un peu une idée du retour, comment les gens qui ont donné des paroles il y a maintenant 2 ans vont être pris en compte, vont se sentir ou non pris en compte. Voilà. Sur des dossiers complexes, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ont les capacités effectivement de comprendre qu'il y a différents points de vue qui s'expriment, mais il y en a, ils ont une idée fixe, si elle n'est pas prise en compte, tout est de la merde. Bon, c'est toute la difficulté de faire de la concertation, c'est-à-dire que c'est jamais oui ou non, c'est des fois gris. Héloïse Ney voulait réagir à cette... Je pense que vous avez souligné par un point qui me semble important, c'est le fait de faire le lien entre la participation qui participe et jusqu'où on va dans la participation, l'accès à la décision. Et c'est vrai que alors, pour l'instant, on en est resté beaucoup aux expériences françaises où effectivement on a une participation assez faible avec beaucoup de classes moyennes. Mais si on regarde en fait dans les expériences où on a vraiment une participation des classes populaires, donc typiquement les expériences par exemple des budgets participatifs brésiliens, c'est directement lié à l'accès à la décision, à ce qu'on met en débat. Donc déjà, qu'est-ce qu'on met en débat ? Est-ce que c'est des questions cruciales, centrales, qui vont changer la vie ? Ou est-ce que c'est des aspects secondaires ? Et quel accès est-ce qu'on a à la décision ? Finalement, voilà, à quoi ça sert ? C'est aussi, est-ce que ma participation va avoir un impact direct ? Et ça, c'est directement lié en fait à qui participe, parce que pour avoir une participation, notamment des classes populaires, il faut, y a plus de, on va dire de contraintes pour pouvoir participer. Vous le disiez, voilà, les gens ils cherchent leur, soit ils bossent ou ils cherchent du boulot, c'est pas évident. Et donc on va, du coup, la participation va se faire si vraiment il y a un intérêt à participer, un intérêt direct, un accès direct à la décision. Et je pense que cette question, on arrivera à la dépasser en France si on se pose clairement la question, mais est-ce que la démocratie participative, ça peut aller au-delà de la démocratie de proximité. Est-ce qu'on peut donner un accès à la décision, à la co-décision ? Et c'est, je pense, en posant cette question-là, qu'on pourra attirer d'autres catégories de la population. Donc, je pense que c'est, enfin, pour moi, c'est le point central du débat sur comment attirer d'autres catégories de la population dans ces dispositifs. Je me présente, Alain Dutour, géographe et également membre du conseil municipal, le même que Francis. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la démocratie participative, enfin, qui recouvre de multiples formes, hein, peut se décliner à l'infini, bon, tout le monde la veut, tout le monde la souhaite, c'est dans l'air du temps. Cela dit, moi, ma réflexion, parce que moi aussi, je la souhaite, je pense qu'il y a 3 choses. Je pense que ça demande de la culture. Je ne parle pas de la culture au sens habituel, mais une culture de la participation. Ça demande une véritable formation et ça demande des moyens. Alors ça donne quoi ça ? C'est-à-dire que nous, politiquement, on n'a pas cette culture-là, on n'a pas ces moyens, on n'a pas ce savoir-faire. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a de la concertation à faire, elle se fait par des structures que tu as décrites, là, les conseils de quartier, où là aussi il y a probablement des choses à faire pour améliorer et aller de l'avant. Mais moi, je pense en particulier à la concertation que j'ai suivie sur de l'urbanisme participatif, entre guillemets, avec Bouygues. Et là, on se trouve souvent, dans ce cas, et comme pour l'agenda 21, comme on n'a pas ce savoir-faire, cette formation, cette culture, on délègue. C'est-à-dire, ce sont des cabinets d'études qui nous accompagnent. Alors, c'est bien, mais il y a une partie qui nous échappe à ce moment-là. On voit bien ces gens-là, hier soir, c'est remarquable, hein, ils savent faire, ils savent organiser des tables rondes, mais nous, on est où ? Bouygues, c'est pareil, c'est le cabinet, un cabinet de communication qui ont sous-délégué un autre cabinet qui ne fait que ça. Donc c'était parfait, on était là, autour des tables, mais le processus nous échappe. Voilà. Alors maintenant, je vais dire, j'ai eu la chance d'aller dans les pays nordiques. Il se trouve que j'ai fait un voyage pour aller visiter au Danemark et en Suède les fameux grands éco-quartiers, les références. On a été emmené par EDF, ce qui n'est pas neutre non plus, c'est plutôt sympathique. Et sur 2 jours, 3 jours, c'est court. Hein. Mais c'est marrant parce que moi je m'attendais à ce qu'on fasse surtout du quartier, voire du quartier écologique. Et en fait, les axes, ça a été surtout sur de la rénovation urbaine. Et on a vu deux cas, moi, qui m'ont beaucoup frappé, et je parlerai surtout du premier, c'est Augustenborg, à Malmö. Alors, pour situer un peu, Augustenborg, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, c'était le Sanitas, ou la Ravière, hein, avec tous les problèmes que l'on connaît. On y va aujourd'hui, c'est... Il y a des gens aujourd'hui qui demandent à y habiter, des classes moyennes, voire supérieures. Donc il s'est passé quelque chose. Mais là aussi, il y a une véritable culture, il y a un savoir-faire, il y a des moyens énormes qui ont été mis. Et là, les classes populaires, elles étaient là. Elles étaient là dans l'action, dans l'urbanisme participatif. Je vais simplement donner une petite chose qui m'a beaucoup frappé pour la récupération des eaux pluviales. Les urbanistes avaient imaginé un circuit où on mettait en visibilité l'eau par des circuits de petits canaux. Et puis tout d'un coup, dans une réunion participative, il y a un petit monsieur, ouvrier probablement, qui bricolait beaucoup, qui était expert en bricolage, et bien leur a donné une solution technique pour améliorer le système. Et du coup, il a été valorisé, et on retombe sur des notions de fierté également. Voilà, il avait l'impression, vraiment, c'était pas simplement, voilà, j'ai dit ça au cours d'une réunion, et bien vous voyez, mon système, il est là, il est en place. Donc voilà, c'est simplement quelques remarques. Alors, Vous voulez, on prend d'autres questions avant de répondre, monsieur. Oui, alors, moi, je voulais dire, on a une petite expérience sur Saint-Pierre-des-Corps, quand même, qui est assez intéressante, parce que depuis 2001, il y a une association qui s'appelle l'association Areal, l'association de protection de l'information et de l'action locale, qui s'est constituée sur une liste municipale de citoyens de 33 personnes et qui a constitué une association. Depuis 2001, cette association vit et a un représentant au conseil municipal. Et donc on essaye de faire effectivement de l'ouverture de l'information par rapport à un certain nombre de populations. Et puis on prépare tous les conseils municipaux partagés et en consensus on décide des votes qu'on va donner à chaque délibération. Ça, c'est un engagement quand même citoyen assez important. Ce que je veux dire, effectivement, il y a un certain nombre de citoyens qui vont de l'avant pour être participatifs, mais on voit qu'en fonction des partis politiques et des mairies, il est très difficile de partager le pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure. Parce qu'effectivement, dès qu'on est un petit peu pertinent, dès qu'on a travaillé les dossiers, eh bien on devient un peu plus grain de sable et voire un peu plus pertinent sur les actions qu'on pourrait apporter. Et je vous donne ces deux exemples relativement assez marquants. C'est que lors d'une délibération à Saint-Pierre-des-Corps, on avait proposé un amendement budgétaire tellement intéressant qu'au moment de passer au vote, il y a juste Mme Le Maire qui avait levé la main pour s'opposer. Tout le reste était d'accord, puisque effectivement, ça semblait relativement pertinent. Sauf que, effectivement, le vote on s'est repris parce que personne ne comprenait réellement ce qui se passait. Mais ça prouve bien qu'un un certain nombre de citoyens peuvent mettre en avant des lignes et des actions et des budgets pour pouvoir faire avancer la cité. Une deuxième action qui est beaucoup plus récente, et donc là c'est une lutte de longue date, c'est le passage en régie de l'eau à Saint-Pierre-des-Corps. Donc là, cette association y est pour beaucoup parce qu'on s'est toujours donc, opposé à la DSP et essayer de vanter les mérites de la régie. Et donc, au forceps politique, puisque là, c'était des leviers politiques hein, entre plusieurs partis, on a réussi à mobiliser les citoyens quand même de la ville de Saint-Pierre-des-Corps en essayant de mettre un référendum qui a été refusé par la mairie et puis lancer une pétition relativement large en faisant des réunions publiques à plusieurs reprises avec des personnes relativement assez pertinentes sur le sujet pour informer la population. Et on gérait en quelques semaines, on a recueilli plus de 1000 signataires en faveur de la DSP, en faveur de la régie. Et donc effectivement, dans les quelques jours avant la décision que ça aille municipal, les choses ont changé. Alors on voit que les citoyens peuvent faire changer les choses, c'est possible de le faire, mais effectivement ça devient compliqué dans le domaine dans l'articulation politique qu'on vit aujourd'hui parce que le pouvoir ne veut pas être partagé, les budgets sont difficiles à déléguer et donc ça devient extrêmement compliqué, mais on peut y arriver. Il y a une dame ici qui demande la parole. Alors je vous donne la parole et ensuite on répondra aux différentes questions qui ont été posées. Je voudrais revenir sur un fait qui c'est un usage assez important du conseil consultatif de parti. Des choses comme ça. Il y a quelque chose qui me frappe, qui a été déjà dit, c'est le niveau social, le niveau de connaissance des gens qui participent. Ça me paraît être un problème important. L'observation est telle qu'effectivement, les classes dites populaires ou les gens comme ça, soit ils viennent un petit peu, même si on ouvre la crème, et ils repartent. En tous les cas, il y a un problème qui se pose. C'est des problèmes de savoir. Et je pense que dans ces questions de participation, il faut avoir un objectif en ne se regardant pas que soi, mais de formation, certainement. Je dirais de formation citoyenne, ce qui pour moi est différent d'acquérir une expertise citoyenne que de faire de l'instruction civique. C'est pas ça que je parle, hein, c'est plus comment on participe. Parce qu'il me semble aussi, si on observe, que dans nos réunions qui se passent bien, qui apportent des choses, c'est pas la question, la prise de parole est essentielle. Donc on fait un tri tout de suite. C'est-à-dire que l'expression des gens, on l'entend quand on sort sur le trottoir, je veux dire. C'est là que les gens parlent. Et je crois que si on veut que ces, ces choses-là apportent quelque chose, qu'ils soient vraiment la voix de beaucoup, il y a sûrement à se poser, je pense qu'il y a des expériences, hein, certainement, des questions de formation. À un moment donné, c'est que ces lieux-là doivent offrir un peu ou mettre en place de la formation, ce que j'appellerais l'éducation populaire, en fait, un petit peu. Parce que qui peut participer quelque part, écoutez, stoppez, regardez qui participe et regardez qui intervient. Il y a un deuxième truc que j'ai remarqué, c'est qu'il peut y avoir aussi, bon, je pose tout, hein, des choses qui font écran. Je pense à ce que je vois certaines fois de participation dite associative. Ce sont les présidents d'associations qui sont là, en général, parce que ce sont des gens qui ont acquis justement certains savoirs, la parole, et qui savent négocier. Et ça peut faire écran, c'est une observation très sensible, hein, ça fait écran dans les prises de parole, que même leurs adhérents délèguent tout le temps la parole à quelqu'un d'autre. Vous voyez, je trouve qu'on est quand même dans ces réunions-là, ça nous apprend beaucoup sur qui peut participer à quoi. C'est en quoi, d'ailleurs, que les projets artistiques m'ont interpellé, parce que là, on a besoin de parole. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent passer. Oui, mais il y a aussi, moi d'ailleurs, un mot que j'évite même dans ces ateliers-là, c'est le mot « art » et le mot « artiste ». Aussi parce que comme le mot de président, il peut faire peur, oui. Et c'est un obstacle en fait à ce lien. Oui, et la question que je pose, c'est justement quels seraient les médiateurs, enfin, les intermédiaires, qui pourraient permettre d'accueillir justement cette participation où on entend tout le monde. Certes, les gens qui écoutent les gens dans la rue et qui vont voir, qui circulent, vont récolter la parole. Mais dans ces lieux-là, c'est très ségrégationné socialement. Ce que tu as fait culture aussi, je veux dire. Les gens qui ont du savoir, qui savent parler et tout ça, c'est eux qu'on entend. Même sur 60 personnes présentes, si on fait la liste de qui est intervenu, je crois que c'est intéressant à voir, mais il y a sûrement des outils pour casser ça. Et moi, je vois des gens qui viennent plus aussi parce qu'on n'a pas eu cette possibilité. Moi, je crois que les centres sociaux, les trucs que de jouer ce rôle de formation citoyenne beaucoup plus, qui pour moi est différent, je ne sais pas le dire maintenant, mais ce que l'éducation civique, enfin, c'est autre chose dont il a besoin. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir? Mais je veux bien réagir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de. Ça marche? Bon, il y a beaucoup de. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. Il y a beaucoup de questions posées, les réponses ne sont pas évidentes, il faut les construire ensemble, c'est ça la participation. Bon, moi tout d'abord, je voudrais rappeler que la démocratie participative ne s'oppose pas nécessairement à la démocratie représentative. Mais d'abord, on fonctionne dans nos systèmes de démocratie depuis les Lumières, sur la notion de démocratie représentative. On élit des représentants, bon, c'est le contrôle des représentants, bien sûr, qui est nécessaire. Et pourquoi les élus, depuis une trentaine d'années, mais surtout depuis maintenant les années 80, fin des années 80, ont quand même ressenti le besoin d'avoir l'écho de l'opinion, ça doit quand même pas être tout à fait par hasard. Alors, il y a un problème, effectivement, de formation. Mais on le dit quand on est entre militants, il est vrai que la culture populaire qui était transmise par les syndicats et les partis politiques, aujourd'hui, elle a été remplacée par l'école. Les militants politiques, aujourd'hui, sont plus formés par leurs partis, sont formés par leurs études. Et parfois, ils font les mêmes grandes écoles. Donc c'est encore pire. Donc il y a un vrai problème ici, c'est sûr. Et tout à l'heure, Christophe Dupin, qui est un collègue du lycée, on disait qu'il y a un problème de culture citoyenne, je suis parfaitement d'accord. Bon, le taux de participation aux élections dans les classes populaires n'est pas bon, et quand ils votent, entre guillemets, ils votent mal, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter pour des partis extrémistes, de droite et de gauche. Bon, il faut essayer de comprendre aussi les messages. Bon, moi, je suis de ceux qui considèrent que lorsqu'il y a des classes populaires qui travaillent, qui sont reléguées dans les périphéries lointaines et qui passent beaucoup de temps dans les déplacements et que c'est onéreux, eh bien, ils ont l'impression que les hommes politiques ne répondant pas à leurs questions, ils ont tendance des fois à leur cracher au visage. Et c'est pas en les criminalisant, en faisant des discours droit de l'homiste, qu'on va réussir à les convaincre. La solution est ailleurs. Autre chose, je ne confonds pas la démocratie participative avec le lobby. Bon, moi je considère ce que vous faites à Saint-Pierre, vous êtes un quasi-parti politique. Donc l'objectif de la démocratie participative, c'est pas de rentrer dans une logique de lobby, c'est une logique de participation. Alors je sais que c'est plus facile de participer avec certains qu'avec d'autres, je suis d'accord. Mais un parti politique, moi je reconnais tout à fait sa validité, j'en suis membre, donc ça ne me gêne pas, mais c'est clair. Alors que les gens qui sont dans les instances de démocratie participative, ils n'y sont pas en tant que membres d'un parti, mais ils sont là comme citoyens. Moi, dans les conseils de quartier à Joué-les-Tours, il y a des gens de toutes couleurs politiques, ils ont des opinions bien arrêtées, il y en a qui sont engagés, il y en a qui n'y sont pas, mais on ne fait pas le tri à l'entrée. C'est-à-dire que dans les bureaux de conseils de quartier, hein, en gros, c'est qui veut bien travailler. Donc c'est ici, il y en a 15, ici, il y en a 30, et c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les gens de bonne volonté dans les conseils de quartier sont dans les bureaux de conseil. Ils se réunissent mensuellement, dans une petite réunion comme ça, ils peuvent plus facilement prendre la parole. Ce n'est pas forcément que les professionnels de la parole qui la prennent. Et donc il faut aussi effectivement qu'il y ait des lieux de formation, qu'il y ait des lieux de confrontation. Mais c'est sûr qu'on a un déficit, globalement, de prise de parole par les classes populaires aujourd'hui. C'est lié aussi à l'individualisation de notre civilisation. Hein, aujourd'hui, les gens se comportent en individu consommateur plus qu'en citoyen. Bon, il y a un autre élément aussi qu'il faut avoir, c'est que, contrairement à ce que pensent beaucoup, les hommes politiques, les maires, les élus, ont des pouvoirs limités. On sait très bien que le poids de l'économie a tendance à supplanter le poids du politique. Et puis, bon, il y a aussi la question européenne qui vide de la substance de la démocratie, parce que quand les électeurs votent et que ça ne plaît pas, on repasse le bébé. Ici, on a fait un référendum en 2005. Ensuite, on a eu l'accord de Lisbonne avec Sarkozy. On a eu la même chose sous une forme différente. Donc, ça aussi, ça complexifie les choses. Et ça crée un malaise. Donc, c'est par le haut et par le bas que la solution peut survenir. Merci. Je voulais réagir à la question que vous avez soulevée, parce que je trouve que c'est vraiment un point important, le fait qu'il y a un niveau de connaissance dans ces dispositifs qui fait que ça peut rendre plus difficile l'entrée dans le dispositif. Et, en fait, c'est vraiment, alors, c'est à la fois parce qu'il y a des personnes qui, en arrivant dans un conseil de quartier, par exemple, sont déjà, par leur expérience professionnelle, militante, sont déjà experts d'un certain nombre de questions, ou parce qu'en participant, en fait, on se professionnalise au fur et à mesure. Et donc, cette question de la professionnalisation, on l'observe vraiment, parce que souvent, les gens qui s'impliquent, ils sont peu nombreux, mais des fois, ils s'impliquent dans la durée. Alors, d'ailleurs, c'est un élément positif hein, de ces dispositifs, d'acquérir un certain nombre de savoir, de savoir-faire, on apprend beaucoup de choses. Mais en fait, cette professionnalisation des citoyens, elle est paradoxale. C'est-à-dire que dans un sens, c'est quand même le moyen de se faire entendre des institutions, dialoguer davantage sur un pied d'égalité avec les institutions. Par exemple, en pouvant rétorquer des arguments techniques aux techniciens qui vous disent de toute façon, techniquement, c'est pas possible. Donc là, si on a un peu de savoir professionnel, souvent c'est nécessaire. Ça permet d'être légitimé par les professionnels, mais aussi même par les citoyens eux-mêmes. Mais en même temps, le problème, c'est que du coup, on se professionnalise et on s'éloigne du reste de la population qui ne vient pas participer ou qui participe pour la première fois, de leurs préoccupations, de leur savoir d'usage. Et finalement, on devient finalement des experts en, des fois, en reproduisant les mêmes logiques des savoirs professionnels, voire des élus même. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment une question qui est assez difficile à résoudre. Alors, il y a un certain nombre de pistes de réflexion pour essayer de contourner cette question de la professionnalisation. Ça peut être déjà dans le mode de composition de ces espaces participatifs. Souvent, alors il y a plusieurs modes. Déjà, le fait, par exemple, dans les conseils de quartier, souvent, il va y avoir un collège de militants politiques ou un collège de membres d'associations. Alors déjà, on va donner du pouvoir à des gens qui ont déjà la parole. Donc, le fait de ne pas donner plus de poids à ceux qui sont déjà organisés que ceux qui ne le sont pas, c'est déjà un premier point. Mais on peut aller plus loin avec le tirage au sort. Le tirage au sort, par exemple. Alors, pas sur une liste de volontaires, par contre. Il tire le sort vraiment sur les listes. Alors, après, il y a des problèmes de savoir si c'est liste électorale, si ça suit un certain nombre de personnes, mais bon, tirer le sort sur les listes les plus larges possibles, ça permet de faire en sorte que des gens qui ne se sont pas forcément posés la question, est-ce que je viendrai dans ce dispositif, puissent au moins se la poser. Ensuite, il y a des questions qui peuvent se poser pour les élus aussi, de rotation des fonctions, pour ne pas rester toujours, soit pas toujours les mêmes, pour un conseil de quartier par exemple. Pourquoi pas dire, on est conseiller de quartier 2 ans seulement, et puis après, il faut que ça bouge, de toute façon, c'est l'idée de la démocratie à la base. Et puis, ensuite, la question de la formation, et qui est, je pense, vraiment, vraiment importante, et qui est d'ailleurs mise en place, par exemple, dans les expériences comme les jurys citoyens, basés sur le tirage au sort, ou dans les expériences de budget participatif, qui sont un peu intéressantes, il y a vraiment du temps consacré à la formation. Et donc là, il y a des, par exemple, je pense aux formations qui sont mises en place en Amérique latine ou en Espagne, où il y a toute une réflexion sur les méthodologies participatives basées sur les méthodes de la recherche-action, comment faire en sorte. Enfin, là, je pense qu'en France, on pourrait vraiment s'inspirer beaucoup de choses qui sont faites ailleurs, mais enfin, c'est vraiment une question qui n'est pas évidente à résoudre, parce qu'en même temps, pour pouvoir être légitime, c'est important d'avoir un minimum de savoir professionnel, et même dans un mouvement social, par exemple, on va devenir professionnel. C'est la même question qui se pose pour les associations, pour acquérir un forme de savoir professionnel pour être compétent, enfin pour apporter des arguments en fait, et pour se faire entendre. Mais en même temps, du coup, on s'éloigne un peu de l'objectif de la démocratie participative. Moi, je veux bien du coup rajouter un petit mot. Oui, moi, je veux bien rajouter un petit mot là-dessus, qui est un peu la chose dont je parlais un peu tout à l'heure, sur ce travail un peu indirect d'un projet sur un territoire. Et tout ce qui n'est pas les objectifs fixés par le projet. Et d'ailleurs, notamment dans les bilans de projets qu'on peut faire, ben on met principalement ce qui touche le projet, puisqu'on a été financé pour le projet. Mais le projet d'à côté, c'est-à-dire le projet, en fin de compte, de récolte de la parole des gens, de l'écoute des gens, serait pour moi un autre travail qui serait peut-être à valoriser, qui est, pour ceux qui veulent bien faire ce travail en tout cas, mais qui est une autre manière de récolter cette parole et justement qui ne participe pas de ce côté professionnalisation ou formation et qui permettrait aux gens de ne pas, je ne vais pas dire savoir qui sont dans ce processus, mais qu'en tout cas, leur parole sera écoutée d'une autre manière que... et je pense que ça fait partie d'une certaine forme. J'ai appelé ça, moi, une sorte de prévention urbaine, mais qui peut être rural d'ailleurs, enfin, hein, c'est tellement frais que c'est comme... C'est un peu imprécis, mais parce que ça fait aussi beaucoup appel à cette histoire, pour moi, que je trouve, de prévention. Et il y a beaucoup de projets que j'ai essayé parfois de mettre en place qui étaient des projets artistiques presque de prévention. Parce que manque d'animation, manque de choses, d'un seul coup, nous, on voit un monde qui est en train de s'écrire, qui est grossi, et on se dit, on propose ça. C'est énorme, ça coûte cher. Mais on propose ça. Et en fin de compte, ça peut être accepté, mais aussi souvent refusé, pour plein de questions. Mais on est force de proposition de ça à un moment. Après, c'est refusé, et on sait qu'au final, les dégâts qui vont être causés par ce manque d'action va causer beaucoup plus de soucis financiers que si l'action avait été réalisée. Donc, voilà, moi je pense que ça paraît un peu investir sur la bonne parole ou... Mais je crois qu'il y a peut-être quelque chose à trouver qui nourrirait une autre évaluation, qui est l'évaluation de tout ce qui est périphérique de ces actions participatives, mais qui pourrait, si elles étaient valorisées spontanément peut-être par les structures, mais aussi financées directement par un programme ou par quelque chose qui est le « qu'est-ce qu'il y a à côté de tout ça ?». Je pense d'ailleurs que ça existe, parce que je ne suis pas un inventeur non plus... Voilà, je reprends beaucoup des choses, hein, vous avez vu. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, ça, moi, je le vois concrètement. Et je sais que ça peut complètement aider, parce que ça part soit de problèmes, soit d'idées. Donc, dans les deux cas, quand ça se croise, ça donne des solutions. On est à 10 minutes de la fin du débat, donc on va vous prendre un dernier tour de questions. C'est une réalité, donc, trois premiers outils de participation, c'est-à-dire que massivement a été appliqué en France une certaine mode de participation par les élus du conseil de quartier, et que ça n'a pas tellement été évalué, alors que vous soulignez qu'il y a d'autres modalités de participation que vous faites à l'intérieur. C'est ça ma question. Notamment, on n'utilise pas, par exemple, les moyens électroniques, le référent. Donc, c'est une des modalités. Mais il y a d'autres, vraiment, ça dépend de nous, en Espagne, et qui sont beaucoup plus enrichissants, enfin, qui sont de la formation aussi des participants. Et ça, c'est ça, nous, pas pour ça aussi, quoi. Je vais te réagir. Oui, une autre question. Alors, je voulais revenir sur la question qui a été posée au début, qui est relayée ici, sur l'évaluation d'une action, par exemple d'une action artistique. Et en prenant un cas concret comme le Sanitas, comment est-ce qu'on évalue la réussite? Indépendamment, on pourrait dire, de la parole des gens qui participent, parce que le but, c'est d'ouvrir. Effectivement, c'est la question qui a été posée, c'est-à-dire que ça fasse boule de neige. Hein. Donc, moi, je me pose cette question, et en prenant l'exemple du Sanitas, puisque c'est un exemple qui est ici, et qu'on coupe quoi. Hein, comment est-ce évalué bon, et puis est-ce qu'il y a eu effectivement un impact? Parce que le problème, c'est de toucher la cité, justement. Alors, combien il y a de gens qui participent à cette action actuellement? Et est-ce qu'il y a eu un apport d'autres personnes? Est-ce que ça a mobilisé dans d'autres quartiers? Enfin, c'est une question très concrète. Alors, peut-être on répond à cette question très concrète et ensuite on reprendra le fil des questions. Ben, moi, l'évaluation, je la connais du projet parce que j'ai participé à l'élaboration de ce bilan. Mais c'est comme toute évaluation, c'est toujours... Il y a un moment, certains niveaux qu'on ne maîtrise plus. Et c'est là où tout est compliqué. Parce que vous avez, voilà, concrètement, 2012, sans un atelier, 37 participants directs. Mais sans un atelier. Donc là, on se rend compte de ce projet au quotidien, voilà, d'ateliers hebdomadaires. Ce qui est le but de ce projet-là, c'est d'être dans la relation hebdomadaire. Ce n'est pas forcément pour le but de la formation, mais c'est pour la prise d'habitude de l'expression, voilà, exactement. Après, il y a les événements qu'on peut faire, qu'ils soient fêtes de quartier, marché de Noël, autres. Donc, on touche aussi des personnes dans ces événements-là. Il y a aussi la presse qui va faire rayonner le projet d'une certaine manière, où là, on peut nous dire le nombre de lecteurs de la Nouvelle République ou d'autres journaux nationaux, mais dans ce cas-là, on augmente par centaines de milliers le nombre. Donc c'est toujours compliqué de savoir qui est une personne qui va acheter les objets, qui va les offrir à Noël, où il y aura sa famille, peut-être 10 personnes, peut-être 40, et qui vont ensuite véhiculer ce message et jusqu'où ça va. Il y a des limites qui ne sont pas maîtrisables de ce genre-là. Donc on peut dire combien il y a eu de ventes, combien on a vendu d'exemplaires, mais on ne sait pas comment les personnes auront transmis le message. Je ne vais pas faire le discours de toutes les analyses des fossés d'évaluation, mais voilà pour vous dire en tout cas que c'est complexe. Au niveau de la participation, justement, d'instances participatives. Qu'est-ce que vous appelez instance participative? C'est-à-dire que pas seulement la participation à l'action, par exemple, sur Saint-Pierre, mais dans des comités de quartier, etc., etc. Est-ce que ça a relancé éventuellement? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ça? Est-ce qu'il y a d'autres comités de quartier ou différentes façons de s'associer qui ont grossi, hein, et qui ont une dynamique, par exemple, par contagion? Alors, moi, je suis pour la contagion, ça c'est clair. Période de grippe, c'est important à dire. Ouais, contagion, contamination et une multiplicité des dispositifs. Après, la mesurer, c'est... On en voit des effets, on en a des surprises. Le but, c'est que ce soit grandissant, c'est le but de la contamination. Voilà, maintenant c'est pas non plus massif, en tout cas dans le cas du Sanitas pour moi, voilà, pour répondre un peu sur ce projet-là. Alors, il y avait une autre question au fond. Je voulais juste faire une remarque, peut-être un peu faussement naïve, mais on a toujours un petit peu parlé, on a un peu présupposé que ce qui vient et qui émane de finalement de la démocratie participative a toujours quelque chose d'un peu progressiste et positif. Et je voulais savoir si justement qu'est-ce qui se passe quand c'est pas ça. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense pas forcément que c'est des externes de problème, mais par exemple, on pourrait penser que moi je l'ai vécu en fait dans un conseil de quartier du Vieux Tour où il n'y avait que des personnes en fait, plus âgées qui faisaient mettre des caméras partout. C'est ça le projet. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez aussi sur. Ça a été un petit peu abordé dans la première intervention, mais on se rend compte que. Il y a quand même des limites, en fait, que ça peut accélérer un phénomène d'amplification ou renforcer en fait, des disparités, des agissements. Alors, avant de répondre, une réaction du même ordre. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, effectivement, dès que les citoyens se regroupent, se mettent dans des structures où on est sous forme de lobbying. Alors, on aime bien ça en France, classer, mettre dans des catégories. Que ce soit dans le monde politique, mais que ce soit dans les médias, c'est pareil. On a été pendant très très longtemps une association attribuée à un parti politique. Non, on est une association de citoyens qui veulent participer à la vie de la cité. C'est un petit peu différent, et ça on ne comprend pas. Et pour dire, pour parler, parce qu'on a dit aussi tout à l'heure un certain nombre de choses dans la salle de représentation, c'est souvent le président pour des questions d'aisance qui parle. Mais il y a aussi des groupes de citoyens qui n'ont aucune structure. Il y en a une qui vit surtout, alors qui vit, je ne sais pas sur quelle forme maintenant, mais elle a vécu pendant un certain nombre d'années, c'est la Biélorussie, où là, il n'y avait pas d'organisation. Ce sont des citoyens qui disent quelle est la place du vélo dans la cité et comment on la défend. Et moi, j'ai vécu des manifestations devant la police qui cherchait le responsable. Il n'y avait pas de responsable. Parce que ce sont les citoyens qui se font en charge. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre dans la démocratie, dans la vie de tous les jours, que les citoyens peuvent se prendre en charge, dire des choses, et dire des choses parfois pertinentes. Ah, qui souhaite répondre aux différentes questions? Oui. Je veux bien. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais bon, je ne changerai pas de point de vue par rapport à votre association, parce que effectivement, les citoyens peuvent se regrouper. Bon, dès lors qu'ils se constituent, je répète, en lobby, c'est plus la même chose et on entre là dans un rapport de force qui n'est pas l'objectif ni des référendums, ni de la démocratie dite participative. Alors, pour répondre à la question, effectivement, la démocratie participative, comme toutes les autres formes de démocratie, n'est pas parée de toutes les vertus, évidemment. On considère que c'est un progrès parce qu'on donne la parole aux gens, mais on n'est pas à l'abri, effectivement, d'avoir dans certains quartiers des réactions inattendues, comme celles que vous signalez. C'est tout l'enjeu, d'ailleurs, de la démocratie participative. Parce qu'on ne peut pas présupposer de ce que vont penser les gens d'un quartier. Ça, c'est les effets, effectivement, qu'on pourrait considérer comme pervers, mais qui sont aussi le produit de la démocratie représentative. Alors, je n'ai pas très bien compris, moi, la question du référendum, parce que le référendum, historiquement, bon, ça n'a pas très bonne presse. On a qualifié ça de populiste, on a qualifié ça de plébiscite. Alors c'est vrai que le référendum tel qu'on le conçoit aujourd'hui, le référendum citoyen à la Suisse, ça peut être différent, mais n'oublions pas qu'à la Suisse, ça a donné quand même des résultats anti-immigrés, anti-musulmans, anti-islamiques, hein, anti-minarets. Bon, par exemple, ça donne ça aussi, les référendums à la Suisse. Donc les référendums, ça peut se... comparé à la démocratie participative, dans certains cas, quand il y a un vrai débat. Le référendum de 2005 sur la Constitution européenne a été, de ce point de vue-là, un moment de participation, essentiellement par le net. Donc, malgré tout, il n'a pas concerné l'ensemble des classes sociales. Il a rencontré, effectivement, l'écho des classes populaires, mais qui a débattu ? Des mouvements structurés, le mouvement qui a conduit la grande bataille, c'est ATAP quand même. Il y a eu des groupes politiques qui ont suivi, mais ça a quand même été des élites qu'on pensait pour les autres, et comme ils pensaient en même logique que ceux qui souffraient, eh bien ça rencontrait effectivement le succès. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc les référendums, ce n'est pas non plus quelque chose de parfait, parce qu'il y a eu des référendums, il y a eu des référendums dans ces 15 dernières années qui se sont faits sans débat aucun. Donc ce n'est pas non plus le modèle. Il n'y en a pas de modèle. On est toujours à la recherche, effectivement, d'une participation citoyenne plus profonde que celle qui existe. Il arrive que, parfois, sur des projets précis, on peut avoir une mobilisation forte. Généralement, ça se fait plutôt contre que pour, mais c'est exceptionnel qu'il y ait une forte participation citoyenne sur des projets urbains en tant que tels. Et la vraie question, effectivement, elle était abordée, c'est est-ce que les élus prennent le risque de consulter sur des projets de fond ou alors, effectivement, sur de l'anecdotique. Et très souvent, effectivement, il ne faut pas le nier, il y en a qui sont frileux et qui préfèrent faire diversion et ne pas consulter sur des projets structurants qui intéressent un quartier, une ville. Il faut le dire aussi, franchement. Il y a chez certains une volonté de laisser penser qu'une consultation pourra, disons, calmer le feu qui couve. Et puis d'autres élus qui sont plus convaincus qu'effectivement on peut aller plus loin, on peut partager le pouvoir, mais dans une proportion qu'il faut bien voir, parce que les seuls qui sont soumis au suffrage universel, ce sont les élus représentatifs. Ce ne sont pas les présidents de conseils de quartier qui vont passer devant les électeurs. Et donc il faut trouver le bon dosage entre une réelle participation qui veut dire que les citoyens sont vraiment pris en considération et puis effectivement le gadget tel qu'il existe encore souvent, mais malgré tout depuis maintenant une vingtaine d'années, je pense, mais c'est subjectif, qu'il y a une réelle volonté disons assez profonde chez les élus d'écouter, de tenir compte dans des proportions effectivement qui peuvent être variables d'un cas à l'autre. Voilà, je voulais dire pour conclure. Merci. Alors, sur la question de qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans une optique progressiste, en fait, effectivement, la participation, enfin, quand on met en place des dispositifs participatifs, ce n'est pas a priori dans un projet progressiste. Il y a d'ailleurs des villes de tous les courants politiques hein, qui mettent en place des dispositifs participatifs. Alors après, qui peuvent être de teneurs très différentes. Et si on veut que ce soit dans un projet progressiste, il faut s'en donner les moyens, en fait, et faire en sorte que le projet soit un projet politique, un projet politique derrière. Et par exemple, les dispositifs participatifs qui ont eu vraiment des effets de redistribution sociale à l'échelle d'une ville, donc ont permis, qui sont donnés non seulement l'objectif de justice sociale, mais qui ont eu des effets concrets de redistribution des ressources publiques, se sont donné des objectifs, enfin des moyens concrets pour avoir une participation des classes populaires et des critères de justice sociale pour choisir entre les différents investissements, par exemple, qui étaient proposés. Donc, s'il n'y a pas des règles claires, en fait, et des règles qui favorisent la justice sociale, on peut déboucher sur tout et n'importe quoi en termes de sur ces questions-là. Et je voudrais terminer sur la question, alors peut-être pas terminer sur notre défaitisme, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas d'autres modalités de participation qu'on a pu évoquer ? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas la volonté politique de le faire. En France, quand il y a la loi qui a été votée en 2002 relative à la démocratie de proximité, hein, qui rend notamment obligatoire les conseils de quartier dans toutes les grandes villes, il y a eu certains députés qui défendaient l'idée de démocratie participative, notamment avec la possibilité inscrite dans la loi de faire des budgets participatifs, qui a un accès à la décision. C'était une position très minoritaire parmi les députés. Et la position majoritaire qui a été celle qui s'est reflétée dans la loi, c'est le fait que les élus sont les seuls qui peuvent représenter l'intérêt général, parce qu'ils sont élus au suffrage universel, comme vous le dites, et que les citoyens ne peuvent seulement mobiliser des intérêts particuliers. Donc on les cantonne au micro-local, au quartier, au consultatif, donc on ne leur donne pas de pouvoir. Donc c'est cette culture politique qui est liée au modèle républicain français, qui explique pourquoi en France on a, de mon point de vue, des dispositifs participatifs qui sont très limités. Et c'est simplement parce qu'il n'y a pas la volonté politique de mettre en place. Alors ça se fait dans quelques villes qui s'inspirent des expériences étrangères. Ça se fait par exemple au budget participatif de Grigny, ça s'est fait dans le budget participatif de la Voirie dans le 20e, ça se fait en Poitou-Charentes sur le budget participatif des lycées, ouais. mais c'est très peu d'élus qui veulent vraiment donner un accès à la décision aux citoyens. Ah, c'est ça. Le cardinal Brayley, d'ailleurs, M. Gérard, nous a pas répondu. Si, la seule solution. Des représentants de chaque groupe social, ils sont au travail de la justice. La justice, c'est bien les citoyens lambda qui font la justice. Il y a des cas sociaux, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on demande dans le fonctionnement de la justice? On demande aux citoyens d'avoir du bon sens. Et on fait confiance. Et ils sont sérieusement encadrés par les juges. Ils rendent toute sa mission, c'est très bien. On n'entend jamais les idées sur la justice. Quand on rarement les équipes sur le fait que ce soit des jurés qui fassent la justice. Et à telle fois qu'on a rajouté même des jurés au tribunal de grande instance. Donc, la solution, c'est du tirage au sort du citoyen. À partir du volontariat ou à partir de la liste électorale. Et puis ça fonctionnera. Les gens ne sont pas. Je pense que n'importe quelle place sociale, à un moment, il est investi d'une mission et qu'il a du bon sens. La politique, ça peut faire des choix, c'est du bon sens. Merci. Alors, on va prendre les dernières questions, de préférence de la part de ceux qui n'auraient pas encore pris la parole. Oui. Franchement, moi, je dois prendre la parole à la définition de démocratie. Donc, ce que je vois déjà, j'espère que je déchire peut-être une dernière erreur, mais vous me corrigez. En fait, j'ai deux questions. La première question, c'est que je pense que parce que les citoyens ont différents niveaux de connaissance de la démocratie, pourquoi pas il y en a un festival national de démocratie, mais en forme de concours, c'est-à-dire c'est un concours entre différentes villes. C'est pour stimuler les gens. C'est bon, ça. C'est bien Pékin, ça. C'est-à-dire on ne peut pas régler en loi pour définir la règle de ce concours. Parce que différents gens ont différentes connaissances de démocratie. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un projet, mais faire un projet avec ce que je sais, c'est expliquer les différents niveaux. C'est juste expliquer les différents niveaux de connaissance de la démocratie et participer. Ça, c'est un moyen de participer. Ensuite, dans chaque ville, il doit choisir un projet. Dans tout le pays, c'est un concours entre différentes villes. On va finalement choisir un projet. Après réaliser dans toute la France. Parce que c'est un honneur. Et en plus, c'est un moyen de participer. Et en plus, c'est pas fixer quelque chose pour demander des gens faire. C'est juste motivation. Mais je ne sais pas si ça marche ou pas. La deuxième question, c'est que si les gens ont pas de temps, je pense que les citoyens peuvent faire quelque chose eux-mêmes. Mais c'est juste dans la vie quotidienne de qui découvrir les talents ou potentiels de eux-mêmes. Parce que, par exemple, si on peut bien découvrir notre talent et potentiel, par exemple, si moi je suis un voleur, par exemple, hypothèse, mais c'est-à-dire que j'ai un talent d'observation et je pourrais agir plus vite que les autres. Ça, c'est vraiment un talent, mais j'ai un besoin d'envie pour m'aider de découvrir un autre chemin de vie. Donc, ça va s'améliorer sur les gens. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser du temps exceptionnel pour participer à des activités, mais on peut faire quelque chose pour découvrir les individus. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Merci. Alors, vraiment une dernière question parce qu'on doit libérer la salle. Gentrification. Je peux manquer d'expertise parce que ce mot m'échappe. Ah, qui l'a utilisé? C'est bon. Bien sûr. Désolée ouais, pour l'utilisation d'un mot un peu technique. En fait, la gentrification, c'est le terme qui est utilisé par les chercheurs pour caractériser l'évolution des quartiers populaires. Ce sont des quartiers populaires dont la composition sociale des habitants va évoluer. Donc, c'est par exemple, typiquement, ça serait le quartier de Bellepeau à Tours. C'est-à-dire que petit à petit, on a dans un quartier populaire un certain nombre de caractéristiques du quartier, le pittoresque du bâti, le fait que le loyer, le prix de loyer ne soit pas très élevé, qui fait qu'on a des classes moyennes qui vont petit à petit intégrer le quartier, ce qui va faire venir d'autres types de commerces, qui va faire évoluer le prix de l'immobilier. Et petit à petit, en fait, on a un départ des classes populaires qui habitent, des anciens habitants, vers d'autres quartiers. Et donc, on a la gentrification, c'est un enrichissement et aussi une évolution du bâti, des commerces. Donc, c'est vraiment une transformation sociale des quartiers populaires. Et donc, j'ai utilisé ce terme parce que, en fait, dans ces quartiers, alors c'est un processus qui est sur plusieurs années, c'est pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs vagues de gentrifieurs, on les appelle les gentrifieurs, les nouveaux arrivants. Et en fait, c'était pour moi. Les bobos ? Les bobos. Voilà, c'est les bobos. Non, et en fait, c'était pour montrer en quoi des dispositifs participatifs comme les conseils de quartier pouvaient ou non, alors c'est pas eux qui vont faire la gentrification, mais pouvaient accompagner cette dynamique de gentrification. Et dans le cas, par exemple, de certains conseils de quartier, comme la Goutte d'Or à Paris, effectivement, les nouveaux arrivants des classes moyennes utilisent vraiment le conseil de quartier, ou ce sont seulement eux qui sont dans le conseil de quartier, pour accélérer la transformation du territoire. Après, quel est l'impact, c'est à débattre, mais en tout cas, c'est utilisé par les conseils de quartier, dans ce quartier-là en particulier, c'est vraiment utilisé par cette catégorie de la population, par exemple, typiquement pour faire évoluer l'évolution des commerces, faire en sorte qu'il y ait un nombre de commerces qui n'y a pas dans le quartier. Donc, c'était pour poser la question du lien entre participation et appropriation de la ville par certaines catégories de la population, et c'est un exemple, et parmi d'autres, c'est de ces quartiers populaires pour des transformations. Donc, je vous propose non pas de stopper, mais de continuer ce débat de façon beaucoup plus informelle autour d'un café qui vous sont proposés là-bas. Je vous remercie d'être venu à ce café Géo ce soir. Je remercie encore les associations et je vous informe de la date du prochain café Géo qui aura lieu le mercredi 13 février, qui s'intitulera « Dessine-moi la Palestine ». Avec Philippe Rekasevich, géographe, cartographe et journaliste au Monde diplomatique. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.